بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد، فلونجا الله عز وجل en cette nuit du 11 Shawwal 1441 qui correspond au 2 mai 2020, on prend une troisième assise que notre noble cheikh, Cheikh Obeid, a consacrée pour les leçons à retenir du hadith de l'homme qui a tué 99 personnes. قال حفظه الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقاء هذه الليلة وجلسة هذه الليلة إن شاء الله تتمة لتعليقنا على حديث إن رجلا قتل 99 نفسا. ذكرنا في درس ذلك الحديث أن من فوائد هذا الحديث التوبة أو قبول التوبة، والتوبة في اللغة من التوب وهو الرجوع، فيقال تاب يتوب عن الشيء إذا رجع عنه. والله سبحانه وتعالى سمى نفسه توابا وسمى العبد توابا، فتسميته نفسه جل جلاله توابا في مثل قوله تعالى إن الله تواب رحيم. وأما تسميته جل وعلا العبد توابا ففي مثل قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Donc notre noble cheikh dit, la rencontre et l'assise de cette soirée, c'est la continuité de notre commentaire du hadith de l'homme qui a tué 99 personnes. Nous avons cité que parmi les leçons de ce hadith, il y a on y retient le repentir ou l'acceptation du repentir. Tauba qui est le repentir, Tauba, sa signification au niveau linguistique, c'est le retour. On dit, il est revenu de telle chose ou il est revenu sur telle chose. Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné comme nom At-Tawwab, Tawwaban, celui qui accepte le repentir. Ceci est stipulé dans ce verset, dans la traduction approximative du sens du verset, nous dit ceci, Allah est le grand pardonneur, le très miséricordieux. Inna Allaha tawwabun rahim. Quant à l'appellation, quant au fait que Allah subhanahu wa ta'ala a nommé son serviteur par tawwaban, il est dans le verset suivant, dans la traduction approximative, nous dit ceci, Allah aime ceux qui se repentent, c'est-à-dire at-tawwabin, et aime ceux qui se purifient. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Fa subhanahu wa ta'ala min asma'ihi at-tawwab, wa huwa alladhi yaqbalu at-tawbata 'an 'abdihi wa yamhu biha sayyi'atihi wa yubaddiluha lahu ila hasanat. وأما كون العبد توابا فمن حيث رجوعه إلى سيده ومولاه اعترافا بذنبه أو تقصيره فيما أمر به وحاصل ما جاءت به أو تقصيره فيما أمر به وحاصل ما جاءت به النصوص من آية التنزيل الكريم ومتواتر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة تجب ما قبلها فيصبح التائب من الذنب كمن لا ذنب له. Allah, subhanallah, il fait partie des noms d'Allah, At-Tawwab. Et c'est lui qui accepte le repentir de son serviteur. Il est Tawwab et il accepte le repentir de son serviteur. Et il efface avec le repentir de son serviteur, il efface avec les péchés de ce serviteur. Il lui songe ses péchés en hasanat avec le repentir. Quant au fait que le serviteur soit tawwaban, car il revient vers son Seigneur, reconnaissant son péché et revenant de sa négligence concernant ce qu'Allah lui a ordonné, et le contenu des versets et de la sunna notoire du messager, c'est stipule que le repentir couvre tous les péchés qui l'ont précédé. Celui qui se repent devient comme s'il n'a pas de péché. قال حفظه الله وهنا ثلاثة مسائل. المسألة الأولى في حكم التوبة. التوبة واجبة وجوبا عينيا على كل مكلف وهو البالغ العاقل من جميع الذنوب، ويدل لهذا من الكتاب العزيز قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يدي حفظه الله إلياسي. Trois sujets. Le premier sujet, le statut du repentir. Le repentir est obligatoire et c'est une obligation individuelle pour tous les péchés, pour chaque pubère qui a sa raison. Cela est prouvé par le noble livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme dans ce verset qu'il a cité Habidallah et qui, dans la traduction approximative, nous dit ceci. Repentez-vous tous, ô croyants, ainsi vous allez avoir le succès. يقول حفظه الله أمر عباده سبحانه وتعالى أمر عباده المؤمنين وهم الذين استجابوا له ولرسوله صلى الله عليه وسلم وانقادوا قولا باللسان وعملا بالجوارح واعتقادا بالقلب خصهم بهذا الخطاب لأنهم أهل الانتفاع بأوامره جل وعلا بالفعل كما أنهم ينتفعون بنواهيه باجتناب ما نهى عنه وكذلك يصدقون أخباره كانت في الكتاب الكريم أو في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد أن ذلك كله حق على حقيقته يجب أن يصانع عن الظنون الكاذبة والخيالات الباطلة. Notre noble cheikh dit dans ce verset qu'il a cité « Repentez-vous, ô croyants, ainsi vous allez avoir le succès. » Dans ce verset, Allah a ordonné à ses serviteurs croyants, ceux qui ont répondu à l'appel d'Allah et de son messager, et qui se sont soumis à Allah par la parole de la langue, les actes du membre du corps et la croyance du cœur, Allah leur a ordonné ce message spécifiquement. Et il leur a adressé spécifiquement ce message, car c'est eux qui profitent de ces ordres en les mettant en application, comme ils profitent de ces interdits en les évitant et en s'éloignant de ce qu'il a interdit. Et c'est eux qui certifient la véracité de ces annonces, que ces annonces soient annoncées dans le livre d'Allah ou dans l'authentique de la sunna du prophète. Ils y croient et ils croient que tout cela est vérité réelle, qui doit être protégé de toute suspicion mensongère et de toute fausse imagination. Donc, ثم رتب يقول حفظه الله ثم رتب على هذا الفلاح لعلكم تفلحون أي لتفلحوا فالتوبة منكم تنالون بها من الله تفضلا عليكم الفلاح وهو السعادة في الدنيا والآخرة. وقال بعضهم هو الفوز بالمرغوب والنجاة من المرهوب فلعل هنا ليست للترجي بل هي للتعليل. Donc il y a Allah octroyé pour cela le succès. لعلكم تفلحون. Ainsi vous atteindriez le succès par le biais du repentir. Les serviteurs obtiennent la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le succès et le bonheur dans ce bas monde et dans le delà. Et ceci est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala avec lequel il comble ses serviteurs qui se repentent. Certains ont dit le succès ici, c'est le fait d'acquérir le désirable et d'éviter l'indésirable. Et l'expression ici, la Allah, ici ce n'est pas dans le sens d'espoir que dans l'espoir d'eux, mais dans le sens de la causalité. Ça veut dire, c'est vous vous repentez, vous allez avoir le succès. Al-mas'alatu thaniya. في من كانت عليه ذنوب فتاب من بعضها دون بعضها فقبلت توبته مما تاب منه وبقي عليه ما لم يتب منه. واعتقاد أهل السنة والجماعة أن قبول التوبة هو تفضل وإحسان لأنه لا يجب عليه شيء، لكنه سبحانه وتعالى وجب على نفسه، هو تفضل وإحسان لأنه جل جلاله لا يخلف الميعاد. Et le deuxième sujet ici, celui qui a beaucoup de péchés, il s'est repenti de certains seulement. Son repentir sera accepté des péchés duquel il s'est repenti. Et il lui restera toujours ceux duquel il ne s'est pas repenti. Les gens de la Sunna et de l'unité croient que l'acceptation du repentir par Allah, ceci est une grâce, est un bienfait d'Allah, car personne n'impose quelque chose à Allah. Mais Allah se l'est imposé lui-même, et c'est une grâce, c'est un bienfait de sa part pour ses serviteurs. Et subhanahu wa ta'ala, il tient ses promesses, azza wa jal. Wa min aqidati ahli sunnati wal jama'a fi hadha al-bab, anna al-abd al-mudnib, idha taba min dhanbihi aw dhunubihi, la yu'ayyar bisalif amrih, la yu'ayyar bima rakibahu min ad-dhunub qabla at-tawbah khilafan lil-mu'tazila, fa inna 'indahum wa min 'aqa'idihim al-fasida ta'yir al-mar bidhanbihi alladhi taba minhu. Il dit, habidallah, il fait partie des croyances des gens de la sunna et de l'unité à ce niveau. Si le serviteur se repent de son péché ou de ses péchés, on le dénigre pas avec son passé. On le ne dénigre pas avec les péchés avec desquels il s'est repenti. Contrairement à Mu'tazila, dans leurs fausses croyances et dans leurs tendances, il dénigre l'individu avec ses péchés desquels il s'est repenti. يقول حفظه الله ومن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الفاسق الملي إذا لقي الله مسرا على كبيرة ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له ورحمه وأدخله الجنة وإن شاء عدبه وإن عدبه لا يخلده في النار. Il dit, habidallah, il fait partie de la aqida des gens de l'unité et de la sunna. À ce niveau, le pervers musulman qui meurt sur le monothéisme et qui meurt sans être repenti de ses péchés ou de certains de ses péchés, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut lui pardonner, il le couvre de sa miséricorde. Et s'il le fait, et il le fait rentrer au paradis de par sa miséricorde. Et s'il veut le châtier, s'il le châtie, il ne sera pas éternellement au feu de l'enfer. Ça, c'est la aqida des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna, contrairement au khawarij. Le troisième sujet, المسألة الثالثة ما حقيقة التوبة شرعا وقد أمر الله بها وحد عليها ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا حقيقتها هي أن يتواطأ القلب واللسان وتنقاد الجوارح لفعل المأمورات واجتناب المحظورات فالتوبة تكون أحيانا من العبد جراء تركه مأمورا كالذي يترك الصلاة يترك زكوات يترك صياما من رمضان بلا عذر وهكذا وأحيانا بركوب منهين كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من المفسقات. Il dit, habidallah, le troisième sujet, c'est quoi la réalité du repentir? C'est quoi la réalité de la tauba? Allah a ordonné tauba et incité à tauba. Et parmi les preuves pour cela, le verset qu'il a cité, dont la traduction approximative nous dit ceci, « Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. » La réalité du repentir, c'est que le cœur et la langue concordent entre eux pour le repentir, et que les membres du corps se soumettent à mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et à s'abstenir de ses interdits. Le serviteur se repent parce qu'il n'a pas été soumis, il n'a pas accompli un ordre, et parce qu'il n'a pas accompli un ordre comme celui qui délaisse les prières et qui ne s'acquitte pas de la zakat ou délaisse un jeûne de Ramadan sans excuse légiférée, etc. Et des fois, la personne se repent de péchés qu'il a accomplis, comme l'adultère, le vol, la boisson alcoolique, et d'autres péchés du domaine de la perversité, c'est-à-dire du domaine de la désobéissance. يقول حفظه الله وقد ذكر أهل العلم شروطا ثلاثة وهذه المسألة الرابعة أحدها العزم على عدم العودة إلى الذنب الثاني الندم على ما فرط في جنب الله وهناك شروط أخرى ونحن نذكر هذه الشروط وغيرها مما ثبت لدينا بالاستقراء فنقول وبالله التوفيق. Il dit حفظه الله les savants ont cité trois conditions du repentir. Et ça, c'est le quatrième sujet dans ce hadith. La première condition du repentir, la ferme résolution de ne plus revenir, de ne plus revenir à ce péché. La deuxième condition, regretter ce qu'on a négligé des droits d'Allah. Et il dit, Habibullah, il y a d'autres conditions, et nous allons citer celles-ci, et d'autres qui sont confirmées dans le livre et dans la sunna, et à Allah, on demande la réussite. يقول حفظه الله الشرط الأول الإسلام فلا بد للتوبة من الإسلام لأن الإسلام يجب ما قبله فلو أن كافرا تاب من شرب الخمر أو الزنا أو السرقة أو قطيعة رحم ما تقبل ذلك منه أبدا لأنه لم يسلم والكفر محبط جميع الأعمال فالكافر لو عمل أي عمل فعمله مردود. Il dit, Habibullah, la première condition, l'islam, il est obligatoire d'être musulman pour que le repentir soit accepté. Il est obligatoire pour se repentir de rentrer dans l'islam, car l'islam couvre ce qui l'a précédé. Il dit, Habibullah, si un mécréant se repent du fait de boire de l'alcool, ou de l'adultère, ou du vol, ou de la rupture des liens du sang, cela ne sera pas accepté de lui, car il n'est pas musulman, il n'est pas soumis à Allah. Il a mécréant, anéanti toutes les œuvres, il détruit toutes les œuvres, peu importe l'œuvre qu'aura accompli le mécréant, il lui sera rejeté. يقول حفظه الله الثاني الإخلاص لله مع الاحتساب فليست التوبة كلمة تتحرك بها الشفاه والألسن بل هو عهد يقطع العبد لربه على نفسه أنه راجع إليه نادم على ما فرط عازم على عدم العودة مقلع عما هو عليه وإلا لم تنفع التوبة. La deuxième condition, il dit, حفظه الله, la sincérité pour Allah et l'attente de la récompense d'Allah. Le repentir, ce n'est pas une parole qui fait bouger les lèvres et les langues seulement. C'est un pacte que le serviteur, que le soumis prend devant Allah, comme quoi il se repent et qu'il regrette sa négligence et qu'il a la ferme résolution de ne plus revenir au péché et qu'il s'arrête immédiatement de ce péché. Sinon, son repentir ne lui servira à rien. يقول وقد قلت لكم نذكر هذه الشروط وغيرها الثالث العزم على عدم العودة والرابع الندم على ما فرط. Il dit, Habibullah, je vous ai dit que nous allons citer ces conditions et d'autres. La troisième condition, la ferme résolution de ne plus revenir au péché. La quatrième, regretter ce qui s'est passé, regretter sa négligence. Et que la personne regrette, ce qui s'est passé, qu'il regrette aussi sa négligence. والخامس الإقلاع عن الذنب ومن ذلك من يهجر كل ما يوصل إلى الذنب ويركسه ويركسه فيه ومن هذه الأسباب خلطاء السوء وجلساء السوء فإن جليس السوء له أثر أقول فإن الجليس له أثر على جليسه فإن كان صالحا أعانه على كل طيب من قول وعمل وإن كان سيئا ثبته وخذله وشجعه على كل شيء من قول وعمل. Il dit, Habibullah, la cinquième condition, s'abstenir et s'arrêter de commettre ce péché en délaissant tout ce qui va le faire revenir à commettre ce péché. Et fait partie des causes qu'il faut retourner la personne au péché, les mauvais compagnons. Car la mauvaise compagnie et les mauvais compagnons ont une influence néfaste sur leurs compagnons. Le compagnon, s'il est bon, aidera son compagnon sur tout ce qui est bon, au niveau de la parole, au niveau des actes. Et si le compagnon est mauvais, il détournera son compagnon de tout ce qui est bon, il le poussera et l'encouragera sur tout ce qui est mauvais, au niveau des paroles et au niveau des actes. Méditez le lexique, des termes qu'utilise le Moussafiqa maintenant et le Moufarriqa. Ils l'ont eu de qui? Ces termes qu'ils utilisent maintenant vis-à-vis des gens de la Sunna et les calomnies, et les étiquettes qu'ils leur donnent, qu'ils leur collent sur le dos, méditez-les. Ils les ont eu, ils les ont appris de qui? De leur leader qu'ils suivent et pour lequel ils sont sectaires et fanatiques. Au point qu'un petit Moussafir qui est étudiant à l'université de Médine, il a propagé les calomnies de son leader et il a été condamné pour 30 coups de fouet. Et il a subi les 30 coups de fouet. Parce que il a suivi son leader dans ses calomnies et il les a propagées. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et ça, c'est l'influence du compagnon. Le compagnon, c'est comme l'imam, il tire. الشرط السادس أن تكون قبل دخول قبل حلول أجل فليعلم كل مسلم ومسلمة أن تمة أجل إذا حان لا تنفع توبة تائب وهذا الأجل أجلان. Et la sixième condition, il dit حفظه الله, le repentir doit s'accomplir avant le terme de la personne, avant sa mort, avant que la mort ne vienne le saisir. Tout musulman et toute musulmane doit savoir qu'il y a un terme que personne ne pourra passer quand il se termine pour chacun. Quand arrive ce terme, il n'y a plus de repentir pour la personne. Et les termes qui arrêtent le repentir sont de deux sortes. Il y a deux termes. يقول حفظه الله أحدهما خاص في حق كل عبد في خويصة نفسه وهو أن تكون توبته قبل غرغرة الروح في الحلقوم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر فإذا حجرجت الروح في الحلقوم عاين العبد مقعده إن كان من أهل الصلاح والبر والتقى والإيمان رأى مقعده من الجنة وإن كان من أهل الريب والنفاق رأى مقعده من النار فلا تنفع توبة تائب حينها. إلدي حفظه الله les termes sont de deux. Il y a deux termes. L'un de ces termes, il concerne l'individu. Le repentir de l'individu doit s'accomplir et se faire avant que son âme n'arrive à sa gorge. Selon Abdullah ibn Omar, le prophète a dit, Allah accepte le repentir du serviteur tant que son âme n'est pas arrivée à sa gorge. L'âme est en train de sortir. Le hadith, il est rapporté par Tirmidhi et jugé Hassan par l'Albani rahmatullah alayh. Quand l'âme arrive à la gorge, le serviteur, à ce moment-là, il est devant une certitude. Et il voit sa place, s'il fait partie des vertueux, et ceux qui préservent les droits d'Allah, il voit sa place au paradis. Et s'il fait partie des gens du doute et de l'hypocrisie, il voit sa place en enfer. Et à ce moment-là, le repentir ne sert à personne. Et ça, c'est le premier terme, le terme individuel. Yaqulu hafidhahullah. الثاني أجل عام وهو يجري على الأمة كلها أتدرون ما ذلكم الأجل؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها أخرجه مسلم. Le deuxième terme, un terme général, celui qui concerne la communauté entière, c'est quoi ce terme? Le messager alayhi salatu salam a dit, Allah tend sa main la nuit pour accepter le repentir de celui qui a fait des péchés la journée. Et il tend subhanahu wa ta'ala sa main le jour pour accepter le repentir de celui qui a fait des péchés durant la nuit, jusqu'à ce que le soleil se lève de l'ouest. Jusqu'à ce que le soleil se lève de l'ouest. Une fois que le soleil est levé de l'ouest, il n'y a plus de repentir pour qui que ce soit. يقول حفظه الله هذا هو الأجل الذي يغلق عنده باب التوبة وتطوى الصحف لكن من كان له عمل صالح قبل ذلك جرى له والنصوص في هذا من الكتاب والسنة كثيرة آثرت الإيجاز والاختصار لأني تحدثت عن التوبة حديثا عاما في مواطن أخرى فليراجع من شاء ومنها تبشير أهل الحوبة بتمار التوبة في اللقاءات القطرية وبت من موقع سحاب الأتري فليراجع من شاء. Il dit Habibullah, donc c'est celui-là, c'est ce terme-là, c'est-à-dire au moment où le soleil se lève de l'ouest, il dit c'est devant ce terme-là la porte du repentir, arrivé ce terme-là, la porte du repentir se ferme. Et les manuscrits des œuvres se plient. Mais celui qui avait des bonnes œuvres, ils seront pris en compte. Et les textes concernant cela sont nombreux dans le livre d'Allah et dans l'authentique de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je ne veux pas m'étaler car j'ai parlé du repentir en général dans d'autres assises. Révisez-les. Si vous voulez, faites partie de ces assises, celle intitulée « Les bonnes annonces et les bienfaits du repentir lors des rencontres Qatari ». Et l'assise a été propagée sur le site Sahab. Celui qui le veut, il revient. Et nous avons, et c'est l'une des premières assises que nous avons traduites sur les ondes de Taqwa. يقول حفظه الله الشرط السابع وهذا فيما بين المخلوق والمخلوق فالماضية في التوبة من حقوق الله عز وجل وهذا الشرط السابع هو فيما بين المخلوقين من مظالم فالواجب على العبد التحلل من أخيه الذي ظلمه في نفسه أو ماله أو عرضه قبل القصاص قال صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. Et il dit Habibullah, la septième condition des préjudices commis contre autrui, il dit la septième condition concerne les préjudices commis contre autrui. Ce qui a été cité comme condition concerne seulement ce qu'il y a entre le serviteur et son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et cette septième condition concerne les préjudices commis à l'encontre des autres. Il est obligatoire au serviteur d'Allah de s'en acquitter ici-bas, ici dans ce bas monde, avant l'au-delà, où il faut s'acquitter des préjudices commis à l'encontre d'autrui, que ce soit en les calomniant ou concernant leur argent ou tout autre préjudice. Donc il faut s'en acquitter tant qu'on est vivant. Et il cite la preuve du hadith du messager alayhi salatu wassalam dans l'authentique du Bukhari où il dit celui qui a lisé ou qui a commis un préjudice concernant son frère au niveau de son honneur ou de quelque autre manière, qu'il s'en acquitte immédiatement avant que ni le dirham ni le dinar ne soient de quelque utilité pour qui que ce soit. Ça veut dire qu'il faut s'en acquitter ici dans ce bas monde avant d'arriver devant Allah Azza wa Jalla. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء فالقرناء ذات القرون والجلحاء هي الجماء كما هو أيضا معروف في لغة العامة والخاصة فهما تتناطحان في الدنيا والقرناء تغلب الجماء فيوم القيامة توقف هذه وهذه فيأمر الله سبحانه وتعالى الجلحاء أن تنطح القرناء كما نطحتها وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وقرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه Et le messager aussi, notre noble chef dit, le messager aussi a annoncé que même l'animal, son corne, obtiendra réparation de celui qui est pourvu de corne, comme il est rapporté dans le hadith de l'imam muslim. Si deux animaux se donnent des coups de, si les animaux qui se donnent des coups de tête dans ce bas monde, une a des cornes, une autre n'a pas de corne, celle qui a des cornes, vainque toujours celle qui n'a pas. Bah Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, les mettra l'une en face de l'autre. Il donnera l'ordre à celle qui n'avait pas de cornes dans ce bas monde de taper celle qui avait des cornes dans ce bas monde. Et le prophète alayhi salatu salam a averti contre l'injustice. Et il a dit alayhi salatu salam, Allah accorde un délai à l'injuste, mais quand il le châtie, il ne le lâche plus et ne lui échappera pas. Et puis il récita le verset dont la traduction approximative dit ceci. Tel est le châtiment de ton Seigneur quand il frappe les cités injustes. Son châtiment est très douloureux. Wa akhraj al-imam muslim rahimahullah. Le hadith du Jabir ibn Abdillah. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. Et donc le hadith cité auparavant, c'est le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et par d'autres, le hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari. Et là, Cheikh il dit, et l'imam muslim rapporte de Jabir ibn Abdillah que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit préservez-vous de l'injustice car l'injustice c'est des ténèbres le jour de la résurrection. C'est ce qu'Allah, il dit, habib Allah, هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve et allonge sa vie dans son obéissance. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a facilité pour cette assise. Prière et salutations, prière sur notre prophète Mohammed et sur sa famille et tous ses compagnons. C'est ainsi, je vous rappelle, a eu lieu Ramadan de l'an, le 15 Ramadan de l'an 1436 à la mosquée de Radwan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve notre noble cheikh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala allonge sa vie dans son obéissance. Et que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ceux qui entendent des bonnes paroles et qui les exécutent et qui les mettent en application. Avant de nous quitter, frères et sœurs, en Allah subhanahu wa ta'ala, je vous lis un écrit dans lequel il y a beaucoup de leçons à retenir. Un écrit de l'érudit, Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, Habidahullah ta'ala, wa ta'ala umurahu fi ta'ate, qui montre la grandeur de cet homme. Et la noblesse de la science, et la noblesse des grands hommes de science, et qui montre aussi le grand respect des savants, comment ils respectent les institutions islamiques de l'État, qu'Allah les préserve, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui couvre de sa sainte miséricorde. Il a dit après les louanges à Allah et les salutations du prophète alayhi salatu wa salam, j'ai été questionné il y a 2 mois c'est-à-dire au mois de Rajab, au moment où les prières étaient effectuées dans les mosquées, dans ce pays, c'est-à-dire en Arabie Saoudite, et les cours étaient encore mis en place à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, je dis, j'étais questionné lors d'un cours concernant ce qui est arrivé dans certains autres pays, c'est-à-dire le fait qu'ils prient dans les mosquées avec un espace d'un ou deux mètres entre eux, entre les personnes, entre une personne et l'autre, prétendant que cela était fait pour se prémunir de la maladie. Et concernant le jugement de cela, j'étais questionné concernant le jugement de cela. J'ai répondu par l'invalidité de cette prière, car ils étaient considérés comme priant tout seuls. C'est-à-dire qu'ils étaient semblables à ceux qui prient seuls derrière leur rang. Et il est confirmé du messager alayhi salatu wassalam qui a vu un homme prier seul derrière le rang, et lui a ordonné de recommencer sa prière. Et il dit, Habibullah, Cheikh Abdul Muhsin Abbad, et après la publication de la permission de mettre en place la prière du vendredi, ainsi que la prière en groupe pour toutes les prières obligatoires dans les mosquées du Royaume d'Arabie Saoudite, en impliquant les procédures de précaution et les mesures de prévention à compter du dimanche 8 Shawwal 1441, le ministère des Affaires islamiques a émis des consignes pour ceux qui s'occupent des mosquées, et parmi celles-ci, l'obligation pour les prieurs de laisser une distance de 2 mètres entre chaque prière. Entre chaque prieur. Et je dis maintenant, écoutez la parole de Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, et je dis maintenant, il n'appartient à personne de se baser sur ce que j'ai dit auparavant, mais de se baser, on ne doit se baser que sur les paroles qui émanent à ce sujet de la direction du ministère des Affaires islamiques, à qui a été confié de rendre public les avis juridiques. Il dit, Ravidallah, il revient sur le verdict qu'il a dit. Et il a dit, maintenant, il faut mettre en application les paroles de la direction à qui le TA a confié de rendre les avis juridiques publics. Et il dit, Ravidallah, et je demande à Allah qu'il repousse ce fléau et qu'il fasse disparaître cette épidémie et qu'il accorde la réussite aux musulmans, gouverneurs et gouvernés, qu'il leur accorde la réussite vers ce qui contient le bien et le succès, et tout ce en quoi il y a le bonheur dans cette vie et dans le delà. Et certes, Allah est audient et répond et il exauce les duas. Et que les éloges et le salut soient sur notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses nobles compagnons. Signé Abdul Muhsin Al-Abbad, il a été écrit le 6 Shawwal 1441, c'est-à-dire 2 jours avant l'ouverture des mosquées en Arabie Saoudite. Méditez, frère en Allah, Azza wa Jal, méditez cette parole de ce grand homme de science, de ce muhaddith, le muhaddith du Midi par excellence, le rédé Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, que Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde, que Allah subhanahu wa ta'ala allons saluer de son obéissance. Regardez concernant la distance qu'il faut respecter dans la prière, entre les prières, à cause du codivis là, du virus. Et là, regardez comment il est revenu sur sa première parole. Et là, on remarque la noblesse des hommes de science. Et on remarque la noblesse de ce grand homme qui est Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad. Comment il respecte l'opinion qui émane des efforts d'autres savants dans une situation qui concerne la communauté musulmane entière. Et comment il respecte les gens de la fatwa désignée par le pouvoir. Et comment il repousse toute ambiguïté et toute fitna qui peut être causée par sa position et par son opinion. Et comment il cherche à protéger l'unité de la communauté des litiges et de la division. Méditez comment il préfère préserver l'intérêt général de la communauté. Et comment il tient à ne pas être une source de fitna pour les gens. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Où sont le mufarriqa? Où sont le musa'fiqa? De cette noble position, de ce grand homme de science, qui est Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala. Et dans cette voie-là, il a un pieux prédécesseur de taille qui est Abdullah ibn Mas'ud, qui a dit le khilaf, char, la divergence est un mal. Abdullah ibn Mas'ud, lors d'un voyage, d'un pèlerinage avec Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, Uthman ibn Affan était le calife des croyants, et il était l'émir du pèlerinage cette année-là, Uthman ibn Affan, et Abdullah ibn Mas'ud voyait que la sunna aminan, c'est de prier deux rak'at pour les obligations de quatre rak'at. Et quand l'heure de la prière arrive, il prie derrière Uthman ibn Affan qui prie quatre rak'at. Hein? Alors qu'Abdullah ibn Mas'ud, il donne le verdict comme quoi, aminan, il faut prier deux rak'at. Et quand il arrive l'heure de la prière, il prie derrière Uthman ibn Affan quatre rak'at. Il a été interrogé sur ce point. Et il a dit, la divergence est un mal. Regardez la compréhension de nos nobles plus prédécesseurs d'Allah alayhim. Et regardez la noble compréhension, des hommes de science, des grands hommes de science de la communauté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de la fitna. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clairvoyance de notre religion. Fais Allah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, bi-asma'i al-husna, wa sifati al-ula. أن يفقهنا وإياكم في دينه ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه سأله سبحانه وتعالى أن يرفع عن المسلمين هذا الوباء سأله سبحانه وتعالى أن يرد الغائبين إلى أهلهم سالمين غانمين وسأله سبحانه وتعالى أن يثبت إخواننا المهاجرين والمهاجرات في بلاد الإسلام أن يثبتهم على هجرتهم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا